Un jour, une sécheresse exceptionnelle s'abat sur le pays. Les récoltes en souffrent. La sorcière a vu le drame, mais la sécheresse a aussi un cycle à respecter. Puis contrairement aux villages voisins qui ont des grandes cultures, le petit village de Baba Yaga fait l'élevage d'animaux qu'il troque contre des produits de la culture voisine. Un jour, par prudence, le village voisin ne veut plus faire d'échange. Ils préfèrent garder leur récolte. Ils ont peut-être décidé de devenir végétariens. C'est la catastrophe. Les hommes s'éloignent de plus en plus loin avec leurs animaux à la recherche de nouveaux pâturages. La sécheresse est partout. Les villageois ont de plus en plus faim. Et certains, en passant devant l'enclos de Pavla, se frottent les mains et rêvent de l'avoir tourné sur une broche. Il y en a même qui ont offert à Madame Anna de l'argent ou des objets en échange de la poule. Anna a mis ça bien clair pour tout le monde. La poule n'est pas à vendre sous aucune considération. Mais, un matin, à la barre du jour, une onde descend du village. Elle se faufile maladroitement jusqu'à l'enclos. C'est Slowbin, le gros bouffé. Le seul qui n'a pas fait d'offre pour acheter Pavla. Il cache son gros ventre en dessous d'un tablier taché de sang. On voit juste ses jambes courtes recourbées sur le poids de son obésité morbide. Sa démarche le fait tanguer comme un bateau sur le bord de s'échouer. Rouge d'avoir fait un effort pour marcher, il ouvre avec précaution la porte de l'enclos. Il cherche Pavla. Elle est en train de cocoter des gros vers. Lourdeau, il se lance à sa poursuite. Maladroitement, il court à droite. Pop-pop, la poule part à gauche. Il court à gauche. Pop-pop-pop, la poule part à droite. La poule panique, puis dans un moment de lucidité pour sauver sa vie, elle se faufile entre les grosses jambes boudinées du boucher, puis s'évade par la porte entrouverte de l'enclos. Pop-pop-pop-pop-pop! Rendue à la lisière de la forêt, elle s'arrête. Le cœur est débat. Elle jette un regard vers l'enclos. Et là, elle voit Slowbin essoufflé, en sueur, qui fouille dans les deux carreaux pour s'emparer de deux de ses amis et repart rapidement. Au matin, quand la mère Anna s'aperçoit que trois de ses poules ont disparu, puis en plus, parmi elles, sa préférée, Là, ça va pas bien. Elle se met à pleurer. Elle crie. Au voleur, au voleur, au voleur! Je me suis fait voler mes poules! Elle est inconsolable. Les gens arrivent en courant. Un attroupement se forme autour de l'enclos. Tout le monde constate le méfait. Après cet événement-là, les villageois sont méfiants les uns envers les autres. Qui donc aurait eu le front de voler poules? Décidément, il n'y a rien qui s'arrange. La maire du village s'est dit que c'en est trop. Il convoque tout le monde à la mairie le soir même. C'est une rencontre mémorable. Une atmosphère d'inquiétude puis de chicane règne. Des voix s'élèvent de partout dans la salle. Les villageois s'accusent les uns les autres du vol. Chacun a sa version de ce qui est arrivé aux poules. Puis après plusieurs tentatives pour prendre la parole, le maire s'impatiente. Il tapoche avec son marteau sur le bureau puis hausse le ton. Silence! Silence! Silence! Une grosse veine bleue est apparue sur son front. Tout le monde s'est fermé à trappe, ben plus par peur que la veine éclate que par respect pour la demande du maire. Mes chers citoyens, suite aux événements malheureux de cette nuit, j'ai une solution à vous proposer. Pour être autonome, on va semer nos légumes puis faire de l'agriculture. Les gens sont inquiets. Le forgeron prend la parole. Or, monsieur le maire, je veux bien cultiver mon champ, mais j'ai mes vieux chez nous. Ça prend quelqu'un pour s'en occuper, puis pour cultiver, là, ben ça prend pas mal de monde. Je vais avoir besoin de mes grands-enfants puis de ma femme. Le boulanger rajoute. « Ouais, tout le monde a des vieux chez eux. Les vieux, on les aime, ils sont précieux pour nous. C'est toute l'histoire de notre village, de nos racines puis de notre passé. Il n'est pas question de les abandonner tout seuls à la maison. Hey, c'est tout un dilemme. Manger ou garder les vieux? Un murmure inquiet parcourt la salle. Une voix douce prend la parole. « Monsieur le maire! Monsieur le maire! » C'est la veuve Tatarova. Une petite femme rondelette avec des grosses joues, là. Pas compliqué. On dirait un petit gâteau à crème. Elle reste toute seule au grand manoir situé au bout du village en face de la forêt. « Si vous voulez, je peux héberger tous les vieux chez nous. Mon manoir est grand et j'ai assez de chambres pour tout le monde. En échange, j'ai besoin de bras pour faire des réparations et des aménagements. Aussi, ça va prendre une bonne cuisinière. » Quelle bonne idée! Quelle bonne idée, Tata! Tout le monde applaudit. Oui, oui, oui, c'est une excellente idée de Tata! Ils ont pris des arrangements pour que les vieux aménagent le plus rapidement possible. De retour, les enfants enthousiastes commencent à parler du projet à leurs parents. Ça fait plaisir à tout le monde. À tout le monde? Sauf à Baba Yaga. Ses filles ont eu beau insister sur les avantages à aller vivre au manoir. Ben, pourquoi aller vivre au manoir? Elle n'est pas si vieille que ça, après tout. Et malgré son âge avancé, dans sa tête, à seulement un petit 35 ans, cette vieille sorcière-là repoussante, là, c'est juste une apparence. Si elle va au manoir, c'est qui va protéger les animaux des maladies? Comment elle va pouvoir patrouiller dans son baril puis faire la fête dans la forêt les soirs de pleine lune? Il faut s'occuper des récoltes après la sécheresse. Comment elle va faire pour remplir sa mission? Puis ses potions magiques à préparer? Non, décidément, aller vivre avec les villageois, ça va à l'encontre de sa nature. Il n'y en est pas question.